va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc. Salut Danny. Marc, avant de commencer à parler des séries dans le baseball qui ont commencé hier, la semaine passée, j'ai eu Michel Laplante en entrevue, le président des Capitales, parce que tu sais, il y a eu un partenariat maintenant entre les baseball majeurs et la Ligue Frontier. Et ouais. Et là, j'ai posé la question à Marc, pas à Marc, mais à Michel, où est-ce que ça s'en allait? On va passer à 25 équipes, c'est quand ça semble de plus en plus confirmé l'année prochaine. J'y ai parlé, c'est confirmé qu'il y a une équipe à Ottawa. Il a même parlé de Toronto dans le coin de Mississauga, puisque j'ai posé la question pour Toronto. Et là, j'ai eu une question de même. Choisir. Regarde, on va prendre les deux. Là. Si ça arrive, on va prendre les deux. Mais une équipe à temps plein de la Ligue Frontier, où est-ce que ça va être intéressant, 25 équipes, on ne parle pas du tout de la Ligue Canam. Là. On parle d'une Ligue à 25 équipes, ça commence à être intéressant. Là. Ou une équipe à temps plein à Montréal, ou une équipe à temps partiel des Ligues majeures avec une garde partagée. Parce que là, la COVID, ça va changer bien des affaires. Oui, ben évidemment. Mais en même temps, écoute, logiquement, là, tu parles de 25 équipes, ouais. Certaines dans les gros marchés aussi, là, c'est pas juste des petites villes. Là. Moi, j'ai toujours cru à un marché dans la région de Montréal. Je pense que si on a une équipe éventuellement dans la Ligue Frontier, qui va créer une rivalité avec Trois-Rivières, avec Québec, avec Ottawa. Moi, je ne la mettrais pas sur l'île de Montréal. Saint-Constant, il n'y a pas un parc de baseball qui se construit à Saint-Constant? Oui, mais c'est pas un stade. Tu sais, okay. Là, ça va prendre un stade de 3000 places qui va se construire, mais effectivement, ça pourrait être en Montérégie, par exemple, qui est un endroit très populaire pour le baseball amateur. Puis c'est ça que tu veux faire. Tu veux mettre un stade où les jeunes et les familles vont pouvoir se rendre là. Il y a déjà eu des scénarios de la Ligue Canam avec une ville, pas une ville, mais une franchise sur la rive sud puis une franchise sur la rive nord. Là, ça a déjà été jusque-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que les deux peuvent vivre, c'est-à-dire une équipe ouais. du baseball majeur. C'est pratiquement deux marchés qui sont différents. Ouais. Et si on parle de façon logique, si le baseball majeur revient à Montréal, ben d'entrée de jeu, ce sera une ville partagée. Je vous dis pas que c'est l'idéal, non. Je vous dis pas que ça va durer des années de temps, mais pour l'instant, ça semble être la voie là, que le baseball majeur prend. Ben, alors moi, tu sais, je regarde des marchés comme Kansas City, comme Minneapolis. Ouais. Ça, c'est toutes des villes où ils ont des équipes de ligue mineure, de ligue indépendante, tout près, là, à 15 Chicago minutes aussi, là, près. Là. Chicago, absolument, et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que c'est deux marchés différents. Tu vas aller au capital de Québec, tu vas payer ton billet une dizaine de dollars, tu vas avoir du plaisir. C'est Michel a même baissé les prix des concessions alimentaires. Ouais. C'est une belle sortie. Ben, tu vas en manger, ça coûte plus cher. Tu vas une, deux fois dans ton été pour voir les meilleurs au monde. Puis tu peux y aller 6, 7, 8 fois voir, par exemple, du bon baseball professionnel, les jeunes. Et surtout que ça va ouvrir. Pas se le cacher, mais ça va ouvrir encore des postes pour des joueurs québécois et canadiens. Un gars comme Jason Terrien. Pour jouer dans ça. Michel, Marc, un gars comme Jason Terrien, qui fait 2 ans qu'il n'a pas lancé. Tu sais, on s'entend-tu pour dire que des Jason Terrien, il y en a plein dans le baseball majeur. Je pense que le tour, malheureusement, la fenêtre est fermée dans le cas de Jason Terrien. Ça pourrait très bien être une belle avenue pour lui. Ben, ça peut être une avenue pour bien. Tu sais, bien, ouais. Tu regardes le marché et on va diminuer le nombre de rondes. On est tombé à 5. Je suis pas sûr que ça va rester à 5, mais de toute évidence, ça restera plus à 40 rondes. Mettons 15 Alors, rondes. Ça va. 15 rondes. Pardon? Mettons 15-20 rondes. Déjà, c'est pas. Ben oui, oui, mais ça va quand même ouvrir des postes pour des jeunes qui pensent qu'ils auraient dû être repêchés, qui sont pas repêchés. Tu t'en vas te faire valoir d'une couple d'années dans ces ligues-là pour montrer que tu es capable de jouer à balle. Puis moi, je pense que les règles de la Ligue Frontier, où c'est plus jeune, c'est de la très bonne balle qui va jouer. Là. Entre le télé va être rehaussé. Entre 2 et 3, à peu près? Écoute, tu sais, je veux dire, ça dépend des soirs. Ouais. Je me rappelle toujours quand Carl Gélina était au Monticule, puis tu avais Jonathan Malo, puis tu avais... Ouais. Les gars de même, c'est bien plus proche du 3A que ouais. du 2A, mais je veux dire, ça reste que c'est des... Moi, je pense que le calibre va être rehaussé, ça va être encore meilleur. Et, chapeau, en tout cas, aux ligues indépendantes, qui vont récupérer, évidemment, pas mal de ces équipes-là que le baseball majeur va avoir laissé tomber. Les meilleurs Marc, les Blue Jays hier, ils ont affronté quelqu'un de très très solide. Ben, tu sais, moi, dans les prévisions des séries, je disais, les Rays, ce qui est difficile pour les Blue Jays, c'est que les Rays peuvent vous battre de tellement de façons différentes. T'sais, ils ne se fient pas, eux, juste au coup de circuit ou juste à leur lanceur partant. Regardez hier le nombre de balles frappées d'aplomb par les frappeurs des Jays. Il y en a eu pas mal, mais on était toujours bien positionnés. Je vous dis une chose, là. Les Rays font leur devoir. Les Rays, écoute, Bichette a frappé une balle hier au champ droit, près le long de la ligne. Le voltigeur, il était là. Grichuk, en fin de rencontre, il a frappé une flèche à Adamez à l'arrêt court. Écoute, 9 fois sur 10, c'est un coup sûr, mais Adamez trichait un petit peu plus pour voir. On fait nos devoirs du côté des Rays et ça peut probablement coûter le match du côté des Blue Jays parce qu'honnêtement, tu sais, on a frappé des balles avec pas seulement de force du côté de Toronto, assez pour, tu sais, revenir dans ce match-là. Mais le positionnement, la qualité des présences au bâton des Rays et évidemment la performance des lanceurs. Hey, écoute, je regardais ça hier. Tu sais, t'as Anderson qui lance quoi la 7 puis la 8 puis Fairbanks qui arrive en fin de 9. C'est des défis énormes. Mais je serais pas surpris par contre de voir les Jays rebondir dans le deuxième match. Là, les gars ont eu leur premier match des séries. Tu sais, je pense à Bichette, à Biggio, à Guerrero. On va te promettre un peu plus détendu aujourd'hui, ce qui va pas nuire évidemment aux chances des Jays. Marc, es-tu d'accord avec moi que cette année, là, l'objectif c'est de prendre l'expérience pour les séries? Ben oui, mais c'est bien plus ça cette année, là. Absolument. C'est pour ça que je m'attends, moi, déjà, à ce que ça soit un peu meilleur, dans le sens que tu sens la nervosité. Il y a beau pas avoir de spectateurs. On a entendu des entrevues de plusieurs joueurs déjà après les matchs d'hier qui disaient, oui, il n'y a pas de spectateurs, mais on sent quand même cette vibe des séries. Alors, je suis convaincu qu'on va être un peu plus détendu du côté des Jays aujourd'hui. OK. Ailleurs, les Yankees ont vraiment détruit les Indians Cleveland dans le premier match. Ouais, écoute, Bieber ne l'avait pas et, ouais. et les Yankees ont simplement amené le rouleau compresseur. Tu sais, dès le départ, tu le sentais. Le circuit de Judge, c'est une balle en plein centre du marbre. Si les gens regardent la reprise, là, c'est pas au coin intérieur, c'est pas au coin extérieur, c'est en plein cœur du marbre. Ça, c'est, tu sais, Bieber, il n'y en a pas lancé une en plein cœur du marbre de toute l'année. Donc, lorsqu'on vous dit que les séries, c'est différent, lorsque tu affrontes des Yankees, c'est différent. Mais encore une fois, je serais pas surpris de voir les Indiens rebondir face à Tanaka. Mais moi, ce qui m'inquiète du côté de Cleveland, c'est que là, tu as réveillé un monstre, là. Les gars se sont mis à frapper hier, puis là, si tout le monde se met à frapper de même pour les prochains jours, ça va être tough là, pour l'équipe qui va affronter les Yankees. Marc, dernière question. Il y a des rumeurs qui circulent que John Gibbons fait un retour à Boston. Est-ce que tu crois à ça? Écoute, les rumeurs même d'Alex Cora qui est de retour. John Gibbons, longtemps a géré les Jays, donc dans la ligue, dans la division Est de l'Américaine. On sait que les Red Sox ont un nouveau personnel de baseball décisionnel. La plupart, soit certains venaient des Rays de Tampa, donc on connaît bien John Gibbons. Est-ce que Gibbons avait tissé des liens avec ces gens-là? Peut-être. Écoute. Regarde, c'est pas impossible parce que les Rays, pas les Rays, mais bien les Red Sox s'en vers un gars qui a eu de l'expérience, qui a de l'expérience de la division S. C'est pas farfelu d'entendre ça. Par contre, moi, j'en doute. J'en doute parce que ce qu'on veut faire, c'est un peu copier ce que les Rays font. Puis je suis pas certain que Gibbons va embarquer dans tout ce processus de nouvelles façons de faire que Kevin Cash fait de façon extraordinaire avec les Rays. Marc, gros merci. Écoute, tu es très, très occupé. Tu as plusieurs matchs à préparer. Je pense qu'il y a 8 matchs de baseball aujourd'hui. Donc, hey, 8 matchs de série à une journée, là, c'est du bonbon. As-tu pensé s'il y aurait eu cette formule-là quand les expos étaient là? Ah non. Là, on avait une bonne journée. Commence pas à nous rappeler des mauvaises. Mais tu as raison de mentionner. Écoute, même s'il y avait eu le format des équipes repêchées, les Expos auraient fait les séries à plusieurs reprises. Alors, imagine un format de 16 équipes. Alors, écoute, les Expos auraient été en série. Le club, c'est vraiment encore. Non, je suis d'accord. Ça, c'est un argument que je vais toujours débattre aussi. S'il y avait une formule un peu plus intéressante pour faire plus d'équipes en série. les expos seraient probablement encore à Montréal. Ça, je suis convaincu de ça. On aurait fait les séries à plusieurs reprises. Mm. On aurait vu c'est quoi des séries. On a vu à peine quelques matchs à Montréal en série. Tu sais, je veux dire, absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord. Les séries, c'est un autre monde complet. Et au mois de juillet, il y avait 15-20 matchs de retard bien souvent. Ça a-tu l'intérêt déjà, là? En tout cas, il y aurait eu... Tu sais, en mois de juillet, quand t'es déjà éliminé, ça attire pas les foules. Ben, c'est sûr, puis il y a des solutions, peut-être que celle-ci, avec l'expérience qu'on va vivre cette année, que le baseball va dire, OK, peut-être pas 16 équipes, peut-être 12, mais en tout cas, 16, ça semble intéressant pour l'instant. Marc, gros merci, on t'écoute aujourd'hui à RDS. Plaisir, au revoir. Merci.